Mickaël à la radio. Salut, c'est Jean Rock. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Et tous les matins sur Fun Radio, on est là évidemment, Mickaël à la radio, avec les factures qu'on va vous rembourser tout à l'heure. Si vous voulez vous inscrire dès maintenant, vous pouvez le faire. 63 22, débutez le message par facture et vous laissez le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. On se fera un plaisir de vous rappeler. Et puis là, nous avons qui pour jouer avec nous à la déclaration express? C'est Fred qui est là. Salut Fred. Salut tout le monde. Comment ça va Fred? Bien, tranquillou. Tranquillou aussi. Alors, la prochaine fois que tu es tranquillou, je peux te raccrocher au nez, hein, d'accord? Oh, c'est pour rire, c'est pour rire, Fred. Bon, alors, t'appelles pour la déclaration express? Tout à fait. Tout à fait. Et on va appeler qui pour la déclaration express? On va appeler une pote à qui je tiens énormément, qui s'appelle Mélanie. D'accord, mais t'as envie de la pécho ou pas? Non, pas du tout. En fait, l'histoire, c'est que mais ça fait 4-5 ans que je la connais. On a une amitié, on va dire, assez parable. Ouais. Et on va dire, on a eu un petit problème. On s'est séparés pendant 2-3 mois. On s'était un peu pris la tête, tout ça. Et là, depuis que... D'accord. Bon, écoute, on va l'appeler. Alors, c'est parti. Dès que tu l'as au téléphone, tu lui dis salut, blablabla. J'ai un truc à dire. Écoute, et nous, on démarre derrière, d'accord? Ok, pas de soucis. Allez, c'est parti. Ce sera sur Ben Oncle Saul avec Sébastien Loeb qui va faire la déclaration express. T'as pris les mêmes points que toi, hein, Sébastien Loeb, l'année dernière. Hein. Ouais. Ah, je lui donnais des cours. C'est un peu décevant quand même. Que vous essayez de joindre. Oh mince. Ah, c'est le répondeur. On va laisser le message, pas grave. Bon, bah, coucou, j'avais un petit truc à dire, t'es sur le répondeur, bah, écoute. Ce que j'ai à te dire à ton réveil, c'est bien plus tonifiant qu'une douche au savon de Marseille. Je pourrais pas t'offrir mon merveille, non. Mais je pourrais te faire vomir en te faisant nifler mes aisselles. Tu m'as rendu fou quand t'avais ton petit shorty noir, yeah. Mais n'oublie pas, utilise des rasoirs, ouais, parce que je ferai pas ça dans le noir. Oh baby, n'aie pas peur, ça te coupera pas, il y a des protecteurs. Baby, n'aie pas peur, baby, n'aie pas peur, ouais, quand tu rases ta fleur, yeah. Voilà. Voilà. Ça commençait bien et puis bizarrement, ça va. Ça a ripé. Non, mais ça encore bien terminé. Tu t'offusques pour rien. Mais oui, c'est ça. Tu m'as l'air bien prude quand même. Ah oui, bah c'est mon genre. Mais oui, voilà. Faites le 1. Ah oui, merde. Ça nous convient. Allez, hop, fais 1. Voilà, c'est plié. Merci de votre appel. À bientôt. Voilà, c'est ça. Bon, ben Fred, eh ben écoute, voilà, le message est passé, hein. C'est original comme déclaration, c'était très sympa. T'as vu, hein? Écoute, avec ça, au moins, avec un peu de chance, tu vas peut-être pouvoir la pécho quand même. On sait jamais que des fois que tu changes d'avis en plein vol. Hein. On va savoir. Bon, bah salut à toi, Fred, à bientôt. Bah merci, à bientôt. Ciao. Bonne continuation à toute l'équipe. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. Not working hard. Sur Fun Radio, le warm-up entre 6h et 6h30, les meilleurs moments de la veille, des Mickaël à la radio avec dans quelques instants l'appel à la police. Alors oui, on avait essayé d'appeler avec Toff la police, en fait un commissariat, puisque Toff voulait simplement récupérer l'herbe qu'il s'était fait confisquer par un agent de police, et donc voilà, on a essayé d'appeler les commissariats. Ça s'est plutôt mal passé à Bruxelles, faut le dire ce qui est. On s'est un petit peu fait refouler aussi du côté de Charleroi, et on appelle maintenant à Liège. Écoutez ça, c'est l'appel donc pour récupérer l'herbe de Toff dans Et Mickaël à la radio jusqu'à 9h30. Commissariat de Liège. Ouais, allô monsieur? Oui. Ouais, voilà, en fait, j'appelle, j'ai eu un petit souci là. Oui. Ouais, voilà, en fait, il y a un collègue à vous, il m'a contrôlé. Oui. Et en fait, il a confisqué l'herbe que j'avais sur moi. Il a confisqué quoi, l'herbe? Ouais, l'herbe, ouais, tu sais, le truc qu'on fume avec du tabac. Oui. Ouais, voilà, et en fait, je suis dans la merde, quoi. Parce que, en fait, moi, je devais la vendre. Tu vois, là, le mec, il croit que je me fous de sa gueule. Donc, je voulais savoir si c'était possible, je la récupère, quoi. Ah, ça m'étonnerait, monsieur, n'est-ce pas? Ah. Ça m'étonnerait. Ouais, mais on peut s'arranger, voilà, hein. Oui, eh ben, il n'y a pas de souci, monsieur. Vous venez et on s'arrangera pour voir qui vous a contrôlé. Ah oui, voilà. c'est possible, je la récupère pour la revendre alors. Oui, il n'y a pas de souci. Ah bon, ça c'est gentil, hein, monsieur. Franchement, big up. Hein. Moi, je savais pas, la police, vous étiez cool comme ça. Franchement, vous me sortez vraiment de la merde, hein, monsieur. Ça va, ok. Ah, franchement trop fort. Hein. Moi, je dirais à mes potes et tous les flics, franchement, trop la classe. Hein. Ben voilà. Ouais, franchement, on dit vous êtes des connards et tout, mais en fait, franchement, vous avez trop la classe, hein, monsieur. Eh ben voilà, c'est ce que je trouve aussi. Bah ouais, voilà. Moi aussi. Allez, hein, passez une bonne journée, hein, monsieur. Oui, au revoir. Mickaël à la radio. Tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Fun Radio. She's moving like. C'est Ina, le son Dance Floor qu'on écoutait à l'instant avec Club Rocker. Tous les matins sur Fun Radio, on est là avec les factures qu'on va vous rembourser tout à l'heure. Hein. Et ben oui, les factures, ça fait toujours plaisir à la rentrée quand même, c'est pas mal. Même si on est encore mi-août, mais enfin bon. Si vous voulez vous inscrire, 6322, vous débutez le message par facture avec le montant de la facture et l'objet de la facture hein, que vous voulez qu'on vous rembourse. Vous nous envoyez tout ça au 6322, c'est 1€ par message. Et on vous fera, on vous appellera d'ici 3 bons quarts d'heure, voire même peut-être 1 heure hein, pour vous rembourser vos factures. Voilà, et puis on va jouer maintenant. Qui est là pour jouer avec nous maintenant? C'est Aurore. Oui. Bonjour Aurore, comment ça va? Bonjour, bien et vous? Bon oui, ça va, tu as été appelée in extremis. Tu as beaucoup de chance. Oui, j'entends ça. Tu as de la chance. Bon alors Aurore, on va faire vite parce qu'on a perdu du temps du coup. Hein. Aurore, t'as quel âge? Oui. T'appelles d'où? 22 ans de la Louvière, et tu vas jouer au petit déj service. Le principe est simple, Toff se fait passer pour un barman, un serveur, enfin plus un serveur d'ailleurs, il a un plateau de serveur avec des objets dessus, une bouteille, des verres, des couverts, etc. Bref, petit déj. Il va faire le tour du studio en courant et si tu arrives à deviner combien d'objets il va rester sur le plateau, tu gagnes. Combien d'objets y a-t-il à la base, Toff? 10. Il y a 10 objets et donc combien va-t-il en rester quand il aura fait le tour du studio, à savoir que les accroche-pieds sont permis? 3 objets. D'accord, hier il en est resté 8 quand même, attention. C'est vrai, mais je pense qu'aujourd'hui on va faire moins bien. Ah ouais, bah écoute, il on va essayer voir. De rattraper le retard. Alors, donc il va courir encore plus vite. Attention, d'accord. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Commence très mal. Mais il s'améliore quand même, j'ai l'impression. Ça s'améliore, je sais pas, mais. Non, parce qu'il en reste 1, 2, 3, 4, 5. 6. Ah, 5, 50%. 5. Oh, malheureusement, Aurore, ça ne suffit pas pour gagner, malheureusement. Pas de soucis, c'est bien gentil de m'avoir appelé en tout cas. Bah écoute, avec grand plaisir. Je te fais des gros bisous en tout cas, Aurore. On embrasse tout le monde à la Louvière. Oui, merci beaucoup. Salut, salut. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Vous en avez marre des mecs qui vous prennent la tête en soirée? Je sais que t'es belle. Vous en avez assez des meufs relous? J'ai pas fait mes ongles, je suis pas bien. Fun Radio crée l'arme ultime. La ligne anti-relou. 0473 86 0013. C'est passé. Mais oui, il faut faire passer le message de la ligne anti-relou, le numéro de la ligne anti-relou, 0473 86 0013, puisque tous les matins, on fait un tour du côté des meilleurs messages, les meilleurs messages qui ont été laissés sur la ligne anti-relou. Et pour laisser un message, bah, il faut être relou. Hein. Donc dans l'absolu, évidemment, le but n'est pas de laisser un message quand on est monsieur tout le monde, mais disons qu'il faut donner le numéro de téléphone au relou que vous croisez en boîte, dans les bars, dans les restos, bref, un peu partout. D'ailleurs, Julie a donné ce numéro à Toff la semaine dernière. Mais oui, ouais, je l'ai croisé en boîte, il m'a dragué, j'ai filé le numéro. D'ailleurs, je la harcèle depuis. Oui, mais là, c'est, en fait, quasiment tous les messages. C'est lui, en fait. Hein. C'est lui. Voilà. Donc, il donne le numéro. Elle donne le numéro 0473 86 0013. Et faites pareil, du coup. Les relous tomberont, vont penser tomber sur votre répondeur, sauf qu'ils vont tomber sur le nôtre. Et puis, bah, nous, évidemment, on se fait un plaisir de passer les messages à l'antenne le matin. Oui, Nathalie, c'est pas vrai. C'était pour te dire, franchement, je te trouve trop bonne. Ça te dirait qu'on aille manger un truc ou qu'on aille au cinéma? Rappelle-moi. Tu rappelles Julie ou pas? Personnellement, non. Mais si, je suis sûr que tu le rappellerais, lui. Mais non, oui. Je ne crois pas, non. Non. Salut, c'est Fabrizio. Et en plus, salut, j'ai, j'ai l'impression qu'il force pour se donner un peu une voix de je sais pas, de crooner, de mais, hein. Mais en fait, pas du tout. Donc, salut Julie, je voulais savoir s'il y a moyen éventuellement qu'on se revoie. Bah écoute, non, ça va pas être possible. Bah tu me parles comme ça, je te rappelle pas non plus. Ah bah écoute, voilà, donc on est bien d'accord, tu vois, on est d'accord. Alors allez, moi je te rappelle direct. Ça, c'est sûr, Toff, il rappelle tout ah, ce qu'il veut. Il est crevard, lui, hein, c'est-à-dire que bon. Deuxième message laissé sur la ligne anti-relou. Ouais, si c'est Thierry, je t'attends devant le McDo, t'es pas encore là, qu'est-ce que tu me fais? Hein, j'ai trop envie de te faire l'amour, moi. Ouais, Julie, vas-y, je t'attends devant le snack, là. T'es pas encore là, là. Ah, moi, j'ai trop envie de coucher avec toi, là. Bien sûr, on parle comme ça, mais j'arrive direct. Tu rappelles direct. C'est évident. Comme c'est quoi, évident. Vous voyez, Julie est fille facile, hein. Non, mais pas du tout. Non, mais attends, pas trop de cinéma, pas trop de paillettes avec Julie. Le minimum syndical, elle et ça marche. Elle aime pas ça, elle aime pas ça. Mais ouais, directement le cash, ça marche mieux. Et le dernier message laissé sur la ligne anti-relou. Allô, bébé. Oui. Eh oui, voilà. Voilà c'est du ça. Cash. Eh oui, allô bébé, oui. Et puis voilà, ça a coupé, c'est dommage. Je savais que t'étais vénal, mais à ce point-là. C'est vrai qu'on entend à sa voix qu'il est bourré d'argent. Hein, oui, c'est sûr. Mais bien sûr, évidemment. Ouais, ouais. Bon, on va revenir dans quelques instants. Le morning, toujours entre 6h et 9h30, avec entre 6h et 6h30, le warm-up du morning. Eh ben oui, ne bougez pas, il y a les infos qui vont arriver avec l'info en plus. On parlera également de la ligne anti-relou. Ce sera vers 7h15 sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun. Tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Fun Radio.